C'est ainsi que s'achève Vacarme. Passez une très bonne journée à l'écoute de la première. 6, 5, 4. Jean Leclerc 3, et Frédéric Pfeiffer 2, vous proposent 1, Histoire vivante. 0. En 1953, 16 ans avant Neil Armstrong, Tintin a marché sur la Lune. Le monde n'est pas assez pour Tintin. Il faut encore aller sur la Lune pour étendre le domaine de l'aventure. Les mots que prononce Tintin, ça y est, quand il pose le pied sur la Lune, j'ai fait quelques pas, sont à 2-3 détails près. Pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité, ce qu'Armstrong emploiera. On a marché sur la Lune. Cette semaine, la conquête. Peu importe qu'on soit sur la Lune ou aux confins de la planète Terre, XFLR6, Mercury, Gemini et autres Apollo. Pour Hergé, il s'agissait d'éprouver l'humanité de Tintin. Quelques histoires de Lune. Allô, allô. C'est une œuvre qui est véritablement construite sur la quête du bien. Ici la Terre. L'objectif Lune, et on a marché sur la Lune, on fait naître des vocations. J'appelle fusée lunaire. De scientifiques, de techniciens, voire d'astronautes. Heureusement que les Dupont viennent foutre le bordel. Bonjour, je m'appelle Benoît Peters. J'ai eu la chance de connaître Hergé quand j'étais un tout jeune homme. C'est une des choses qui m'a certainement conduit vers la bande dessinée à laquelle je me suis intéressé comme historien ou théoricien. Et parallèlement, j'ai développé un travail de scénariste dont le volet le plus connu est avec François Schuiten, on dit parfois Schuiten, pour une série qui s'appelle « Les cités obscures ». Par ailleurs, j'ai écrit la biographie d'Hergé, mais aussi celle de Jacques Derrida ou de Paul Valéry. Donc je suis plutôt un éclectique et pas un obsessionnel de la bande dessinée, ni un collectionneur d'ailleurs. On peut imaginer que concernant Derrida, la découverte se fait un peu plus tard, j'entends un peu plus tard après l'œuvre d'Hergé. Pour revenir à Hergé, c'est quand c'est la petite enfance pour oui, Hergé, bon, je crois que beaucoup de ceux qui aiment Hergé, qui continuent à en parler, l'ont découvert très tôt. Je ne sais même pas à quel âge remonte ma première lecture, 4 ans, 5 ans, 6 ans probablement, avant de savoir lire. J'ai vaguement le souvenir que le premier Tintin que j'ai eu dans les mains, c'était Tintin au Tibet, mais je ne pourrais pas le jurer. Eh bien, moi également, je crois. Mais je ne fais que le croire. Alors, c'est un album qui est sorti en 1960. J'avais 4 ans. Sûrement pas de quoi le comprendre, mais peut-être de l'aimer. Et pour un enfant, Tintin, c'est à la fois une lecture très fluide visuellement, dans laquelle on entre tout seul, mais c'est aussi un univers très riche et très adulte, qui parfois fait peur. J'avais peur, notamment. Le feu de Saint-Elme sur le piolet du capitaine Haddock ou l'apparition du Yeti, comme j'avais peur, et là je crois beaucoup d'enfants ont des souvenirs d'avoir eu peur en lisant les 7 boules de cristal ou l'étoile mystérieuse avec la fin du monde, les rats qui remontent, qui fuient les égouts. Tout ça fait partie, je pense, de ce qui nous marque fortement dans Tintin, comme dans les contes de fées, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Ce sont des œuvres qui n'édulcorent pas le monde. Voilà. Et quant à Paul Valéry, quant à Derrida, je les ai découverts à la fin de l'adolescence. Et finalement, je suis resté fidèle à des centres d'intérêt de jeune homme, mais en les approfondissant, en les retravaillant. Hergé, je l'ai d'abord connu par l'œuvre, et puis je l'ai approché de plus près, comme homme, à travers quelques rencontres, mais surtout à travers la rencontre avec beaucoup des témoins de sa vie. Et en écrivant sa biographie, Hergé, fils de Tintin, en découvrant parfois les aspects plus sombres du personnage, mais aussi les aspects les plus attachants et les plus méconnus. Donc voilà, c'est une œuvre qui m'a accompagné très longtemps et qui m'accompagne encore d'ailleurs régulièrement. Je repense à Tintin, à Hergé, j'en relis rarement les albums dans la continuité, je reprends une séquence, je m'arrête sur une image, parce que les histoires, je les connais bien quand même. Benoît Peters, est-ce qu'on arrive à imaginer, si toutefois il existe, un quelconque trait commun entre les trois? Alors oui, c'est une question intéressante, puisque ce sont des personnalités apparemment très très très différentes, en tout cas des univers très différents. Il y a une chose qui m'a parfois frappé presque d'une manière superstitieuse, c'est qu'ils sont morts à peu près au même âge, vers 73-74 ans. Donc l'âge venant pour moi, j'espère que ça ne sera pas mon destin. Une autre chose, c'est que ce sont profondément trois personnages marqués par la mélancolie, ce qui n'est pas du tout mon tempérament. Donc peut-être que j'ai cherché chez Hergé, pas dans Tintin, mais chez Hergé dans sa personnalité, chez Georges Remy dirais-je, chez Jacques Derrida ou chez Paul Valéry, comme un complémentaire, quelque chose qui m'attire tout en étant assez différent de moi. On sait que les humoristes sont souvent des gens quelque peu sombres quand ils ne créent pas, ou peut-être que l'humour de leur œuvre masque une difficulté d'être, mais dans le cas de Paul Valéry comme de Jacques Derrida, c'est aussi une dimension très présente. Ce sont des inquiets, parfois des mélancoliques, et d'éternels insatisfaits. Et Hergé était un éternel insatisfait. Le succès n'a jamais pu corriger ce trait de caractère. Un de ses amis des dernières années, le galeriste Marcel Stahl, qui au moment où Hergé s'intéressait à la peinture moderne, l'a beaucoup conseillé, me disait, il y avait toujours une part d'inquiétude. Il n'avait pas le don de vivre heureux, de vivre simplement. Et quand vous travaillez, quand vous écrivez, est-ce que vous, personnellement, vous vous amusez à écrire ces histoires ? Oui, parfois, pas toujours. Pas toujours, parce que c'est parfois fatigant et il y a des jours où on est moins en train que d'autres. Mais en général, c'est amusant, oui. La création elle-même est toujours une chose amusante, même si on souffre un peu. Cette inquiétude, ne la réservait-il qu'à ses amis ou... Puisque vous l'avez rencontré, avez-vous pu, même l'espace fugace d'un instant, en être vous-même témoin ? Nous avons eu plusieurs rencontres, mais dont deux longues et marquantes, deux grandes interviews, une en 77, où il était en pleine forme et peut-être aussi désireux de donner une image positive au jeune homme que j'étais, à l'ami qui m'accompagnait. Et puis la dernière interview qui a eu lieu le 15 décembre 82, un peu moins de trois mois avant sa mort, avait un autre ton. Et là, notamment, j'ai commencé à mesurer, à entrevoir, à entre-entendre un gouffre qui était du côté de la mer, puisque je lui fais remarquer à un moment que s'il parle un peu de son père, il ne parle jamais de sa mère. Il n'y a pratiquement pas d'allusion, même dans le livre d'entretien de Numa Sadoul, ça passe. La mère d'Hergé, qui était déjà extrêmement fragile, va avoir à subir des premiers internements et malheureusement des électrochocs et des soins, si on peut appeler ça des soins, en tout cas des choses très très difficiles. Et pendant la guerre, elle va véritablement basculer dans la folie parce qu'elle est persuadée que le frère d'Hergé, Paul, est mort, puisqu'il est prisonnier en Allemagne, et elle est persuadée qu'on lui cache la vérité et qu'il est mort. Et Elisabeth Remy, la mère d'Hergé, ne survivra pas à ces traitements. Elle meurt en 1946. Et puis, il me dit, cette phrase étrange, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vraiment connue. Vous savez, dans beaucoup de familles, on se croise sans vraiment se rencontrer. Cette phrase m'intrigue, mais j'ai mis des années à comprendre que sa mère était alors une mélancolique profonde, une vraie dépressive, et qu'elle était morte folle, sans le reconnaître, ni lui, ni son frère, ni son mari. Elle est morte en 1946, juste après la guerre, et c'est un des éléments qui va réactiver une mélancolie sourde jusque-là chez Hergé. Donc ce jour-là, dans cette interview dont nous savions, lui et moi, que ce serait la dernière de sa vie, sauf miracle, il laissait passer un peu plus de fragilité, un peu plus de lui-même. Il m'avait dit au début de l'entretien, c'est curieux, j'ai perdu l'habitude du micro. Ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas donné une seule interview. Et donc, les petits automatismes qui quelquefois nous gênent dans les interviews d'Hergé, où il a des réponses toutes préparées sur Tintin au Congo, sur Tintin au pays des Soviets, sur l'absence de femmes, enfin les sujets sur lesquels on l'attaque régulièrement, on sent qu'il arrive avec sa réponse. Et là, il n'avait plus ces automatismes ou peut-être plus l'envie de les avoir et donc il parlait de manière un peu plus, enfin pour moi plus vraie. Sinon un souvenir frappant d'Hergé à ce point de vue-là, c'était à la fin de la première interview qui était destinée à une revue littéraire qui s'appelait Minuit à l'époque en 77 et on coupe le micro et sa voix change. On le fait tous un petit peu, mais chez lui c'était très frappant, sa voix change, le ton change et j'aurais dit qu'il devenait d'un coup plus adulte. C'est-à-dire que même dans une interview sérieuse, il ne pouvait pas s'empêcher de glisser des petites blagues, d'avoir un petit scout, jouer, d'avoir son côté un peu scout. Et là, tout d'un coup, on coupe le micro et il commence à parler autrement. Ça m'avait frappé aussi lors d'une rencontre inopinée au moment du retour de Chang Chongzhen, ce jeune étudiant chinois qu'il avait rencontré en 34 en préparant le Lotus Bleu qui a une importance si grande. Jusqu'à présent, dessiner des aventures de Tintin, c'était un jeu, c'était une très petite femme. Mais à ce moment, j'ai rencontré un jeune Chinois dont le nom était Chang Chongzhen et qui m'a ouvert les yeux sur la civilisation chinoise et qui m'a fait mieux prendre conscience d'une sorte de responsabilité que j'avais vis-à-vis des lecteurs. C'est à partir de ce moment-là que j'ai accordé une plus grande importance aux détails, à la documentation et faire en sorte que les histoires soient plus justes, plus vraies. Initié à la calligraphie par Chang, Hergé, en 1934, dessine Shanghai comme on ne l'avait jamais fait avant lui. C'est Chang lui-même qui vient chaque dimanche peindre les idéogrammes sur les planches préparées par George. Surtout, Chang a convaincu son ami de l'injustice faite aux Chinois, pris en étau. D'un côté, les Occidentaux, corrompus et racistes, qui occupent Shanghai. De l'autre, les Japonais, qui s'apprêtent à envahir le pays. L'actualité politique fait soudain irruption dans les aventures de Tintin, qui a choisi son camp. Hergé dénonce l'intervention militaire japonaise et l'occupation d'une partie de la Chine. Le dessin de Georges est soudainement influencé par la tradition picturale chinoise, cette harmonie subtile entre le vide et le plein. Tout à coup, Hergé fait surgir dans l'histoire son ami et complice Chang pour une rencontre d'anthologie avec Tintin. Tels des doubles de papier, Tintin et Chang scellent à jamais l'amitié d'Hergé et du jeune étudiant chinois. Et en 1981, après bien des démarches et des complications, Chang était revenu en Belgique, était salué presque comme un chef d'État. Enfin, c'était quelque chose, c'était une visite extraordinaire que celle de Chang. Et ces deux jeunes gens qui s'étaient connus étaient devenus deux vieux messieurs. Et Hergé était malade et fragile, et Chang était vraiment complètement désemparé de le voir dans cet état. Et j'ai visité à Bruxelles, à ce moment-là, une exposition qui avait été organisée dans une école d'art pour rendre hommage à Chang, Hergé et au Lotus Bleu. Et Hergé, dans cette visite sans presse, à laquelle j'ai eu la chance d'assister, parlait avec les étudiants brusquement de questions techniques, parlait d'artiste à artiste sur un ton qui n'avait rien à voir. Il avait évoqué notamment, je m'en souviens très très bien, face à une reproduction d'une case du Lotus Bleu, une reproduction en forme de tableau, il avait parlé des couleurs, il avait dit mais qu'est-ce qu'on a pu se disputer avec Edgar sur les couleurs quand il recherchait ces tons, je le revois encore assez chiné sur un ton non reproductible, etc. Et là, c'était plus le Hergé, c'est « Oh, mais Franquin, quel génie! Oh, mais Jacobs, quel merveilleux talent! Oh, mais Maurice et Lucky Luke, c'est si... » Non, tout d'un coup, il venait nous dire ben, « On travaillait ensemble, on était proches, on était des complices, mais en même temps, on avait des conceptions esthétiques différentes et on pouvait se battre sur une question. » Vous savez, ces choses qui font que parfois les gens jugent Tintin un peu simplement, comme ça, comme si c'était naïf. « Oui, le pull de Tintin est toujours du même bleu. Les arbres sont verts. » Comme si Hergé était ignorant de toutes les possibilités qu'il y avait dans le traitement de la lumière, des ombres, des nuances de couleurs dans un visage. Non, bien sûr, cette conception-là était forte, c'était une conception fondée sur une certaine idée de la lisibilité, de la capacité qu'avait un enfant à reconnaître immédiatement quelque chose. Ce sont des termes quelquefois très proches de ceux qu'emploie votre compatriote Rodolphe Töpfer en parlant du dessin, de l'intelligibilité immédiate du dessin, la ligne claire, c'est ça. Eh bien, la ligne claire, chez Hergé, c'est une conception réfléchie. C'est pas du tout une naïveté. Mais il y a des gens qui regardent ça un peu vite et qui disent « Ah oui, bon... Ah. » Möbius, ça c'est vraiment un grand dessinateur de BD, Hergé c'est un peu simplet, oubliant que Möbius, Dorillet et tant d'autres ont une admiration pour Hergé qui ne s'est jamais démenti. Le premier souci est évidemment celui du scénario. Voici d'ailleurs le scénario de la prochaine histoire, enfin qui est écrit en quelques pages, simplement pour fixer les idées. Ensuite, ce travail n'en est pas encore fait pour cette histoire-ci, ensuite il s'agit de faire le découpage qui est la partie la plus délicate. La plus difficile au fond à faire, car il faut donc raconter l'histoire et il faut que tout soit raconté dans un nombre X de dessins sur une page. À votre avis, Hergé, peut-être vers la fin de sa vie, aurait-il pu avoir le goût de transmettre, le goût d'enseigner? Puisque, à l'évidence, à votre réponse, Bonin-Peters, on entend qu'il est capable de parler théorie, en quelque sorte. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions de le faire à l'époque. Hein. N'oublions pas que la bande dessinée n'était pas enseignée ou allait commencer à l'être, que les interviews dans la presse, et particulièrement à la télé, étaient généralement rudimentaires, et face à des gens qui ne voyaient que le caractère rigolo et infantile de l'œuvre, on la regardait quelquefois avec un peu de dédain quand on revoit un apostrophe qui a été enregistré en 1979-79 à l'occasion des 50 ans de Tintin avec des romanciers quinquagénaires. Ils ont l'air un peu de considérer qu'Hergé est un intrus sur le plateau. Mais je crois que oui, Hergé avait cette capacité, mais en privé plutôt, un petit comité. il se méfiait des grands groupes. Certains, comme Pierre Astouline, ont dit parfois qu'Hergé n'aimait pas les enfants. Je pense que c'est tout à fait faux, mais qu'Hergé n'aimait pas les meutes d'enfants, les groupes d'enfants. Il n'aurait pas voulu qu'une classe débarque dans son studio. Par contre, il répondait de manière très précise et toujours très attentive et personnelle aux lettres d'enfants qu'il recevait. Et quelquefois, il a reçu un ou deux ou trois enfants dans ses studios. Il a dû leur montrer, leur expliquer le processus de travail. Et un album, ça met combien de temps ? Ah, mon cher, c'est très long, tu sais. Dans un album, il y a environ, hein, grosso modo, il doit avoir environ 700 dessins. Il faut commencer par raconter l'histoire en brouillon, hein, en croquis. Il faut commencer à faire 700 petits dessins au crayon. 700 fois des crayonnés, 700 fois parfois des croquis. Si, bien sûr. Ben il faut 700 calques, parce que quand mon dessin est fini au crayon, je le repasse sur calque et je le reporte sur une feuille propre. Ah, en plus de ça, il faut passer 700 fois à la plume, à l'encre de Chine, chacun de ces dessins. Voilà, tiens, tu vois, Tintin petit à petit apparaît, en noir et blanc. Maintenant, on va faire tournesol. Il a toujours l'air un peu effaré. Quand pour une main comme ça, par exemple, on peut prendre modèle sur sa propre main. Tu vois. C'est un homme qui a réjoui l'enfance de centaines de millions d'enfants, mais qui lui-même n'en a pas eu, ne pouvait pas en avoir, et donc qui avait ce rapport un tout petit peu distinct. Pierre Gé n'était pas un homme de foule, c'était pas la personne à qui on va taper sur l'épaule, avec qui on va se payer une bonne tranche de rigolade, même s'il pouvait être drôle, mais il était tout le contraire de la vulgarité. Il avait une forme d'élégance, parfois de retrait, qui pouvait donner le sentiment qu'il était froid. Je dirais plutôt que froid, qu'il était protégé. C'était quelqu'un qui ne s'ouvrait pas si facilement que cela. Benoît Peters, c'est relevé dans vos magnifiques lignes concernant l'un des nombreux ouvrages que vous avez rédigés sur Hergé. Celui-ci, c'est Hergé, fils de Tintin. Ce que dit Roland Barthes vis-à-vis de l'œuvre d'Hergé, il doit le dire, l'œuvre d'Hergé, c'est comme un journal de sa vie. Alors si on s'intéresse aux années 50-53... qui sont, si je ne m'abuse, les années de construction du double album Lune. Il en est où dans sa vie? On va commencer par le People, et puis après on s'intéressera à des choses plus sérieuses. Alors il faut remonter un petit peu en arrière, puisque le projet d'envoyer Tintin sur la Lune germe pendant la guerre. C'est déjà pas anodin. Au journal Le Soir, qui est un journal contrôlé par les Allemands, Hergé fait la connaissance d'un hurluberlu passionné de jazz et d'animaux inconnus, Bernard Heuvelmans, qui est chroniqueur scientifique. Le Soir est un journal assez nauséabond, mais il y avait quand même quelques plages de liberté. Les chroniques scientifiques ou de jazz écrites par Heuvelmans ne sont pas marquées, en tout cas de manière trop visible, dans l'idéologie. Donc Hergé sympathise avec cet autodidacte, lui-même est un autodidacte. Et il partage ses connaissances scientifiques, peut-être ça commence au moment de l'étoile mystérieuse, et très vite, Heuvelmans se dit, mais ça serait bien d'envoyer Tintin au-delà des pays, là, voyager à travers le monde, on pourrait aller plus loin, et l'envoyer sur la planète Mars. Et Hergé dit, non, pas la planète Mars, non, c'est pas pour Tintin, soyons raisonnables, la Lune suffira, ce qui est magnifique évidemment à imaginer. Et Heuvelmans dit, mais il n'y a pas grand chose à savoir sur la Lune, c'est un astre mode. Et Hergé dit, non, ça sera très bien. C'est déjà l'intuition qu'il y a chez Hergé, au fond, d'un mythe qui est réalisable, qui est crédible. Bien sûr, on n'a pas de recherche, il n'y a pas de NASA à l'époque, mais on sait qu'un jour ou l'autre, on tentera d'y aller, on a souvent rêvé à ce projet. Donc, première chose d'Hergé, une forme de réalisme à l'intérieur de l'anticipation. Et la lecture jouera un très grand rôle dans la préparation d'On a marché sur la Lune, puisqu'il va se construire une vraie bibliothèque sur le sujet. Hergé sait, en 1950, tout ce qu'un honnête homme francophone peut savoir sur le sujet, sur l'état de la recherche, n'oublions pas qu'il n'est pas une recherche officielle, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de livres et de revues qui sont parus d'images de la Lune. Et deux de ses amis, Heuvelmans, que j'ai déjà cité, et un autre, Jacques Van Melkebeck, qui travaillera plus tard avec Edgar Jacobs, qui est un ami d'Edgar Jacobs, deux de ses amis vont lui concocter un scénario, voyant qu'Hergé est déprimé, fatigué, ils vont dire, on va faire un scénario pour... Et Hergé dessine une page de ce scénario, qui démarre aux États-Unis en grande pompe, c'est une page au crayon, et très vite se rend compte que ce n'est pas lui, que ce n'est pas le ton de Tintin, que c'est les grandes orgues, les flonflons, Rita Hayworth, etc. Et il va jeté le scénario, certains disent même qu'il l'a brûlé, et il repart sur une base neuve en ne gardant que quelques-unes des pistes scientifiques et des gags, comme le whisky du capitaine Haddock qui se met en boule, Haddock devenant provisoirement, heureusement, un satellite d'Adonis, etc. Bon, ça sont des idées parascientifiques qu'il va utiliser. Et il commence en 1950 cette histoire, c'est comme une manière de tourner la page. Alors Hergé n'est pas un vieil homme à ce moment-là, il a 42 ans, il va avoir 43 ans, mais il redémarre. Et pour redémarrer, pour retrouver du cœur à l'ouvrage, et aussi parce que c'est un récit qu'il pressent très difficile, il constitue autour de lui une petite équipe. C'est le début des studios Hergé. Pendant un certain temps, les années précédentes, il avait travaillé avec Jacobs, mais Jacobs a pris son indépendance, a créé dans le journal Tintin Black et Mortimer, a impressionné les jeunes lecteurs par Le Secret de l'Espadon, qui est une histoire un peu plus adulte que Tintin, avec une forte dimension technologique, scientifique, peur de Troisième Guerre mondiale, etc. Et au fond, en faisant le double album Objectif Lune, on a marché sur la Lune, Hergé veut battre Jacobs sur son propre terrain, montrer que sur ce terrain-là, il peut faire quelque chose de plus fort, de plus vrai, nous entraîner dans une aventure épique. Et il y a là une intuition magnifique, qui est aussi celle d'Hergé seul, c'est le titre. On a marché sur la Lune. C'est pas Tintin sur la Lune, Tintin, Haddock et Tournesol sur la Lune, c'est on. Et ce on, c'est déjà Armstrong, c'est déjà la NASA, c'est déjà l'humanité. Bon, je descends à présent les échelons qui courent le long de la fusée. Là, plus que quelques échelons. Plus que trois. Plus que deux. Allô ? Allô, Tintin, vous m'entendez ? Oui, professeur, ça y est. Ça y est. J'ai fait quelques pas. Et pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité... On a marché sur la Lune! Ce qui est amusant, c'est que ce titre ne vient pas d'Hergé. Il venait de Van Melkebeek parce que Van Melkebeek avait imaginé dans son scénario que des gens avaient déjà marché sur la Lune. Et donc c'était une sorte de récit policier où on allait Mais Hergé comprend très vite que c'est beaucoup plus fort que ce soit simplement l'exploit à la fois individuel et collectif, l'exploit de Tintin, de Haddock, de Tournesol, mais aussi de l'humanité tout entière. Et les mots que prononce Tintin quand il pose le pied sur la Lune sont, à deux, trois détails près, ceux qu'Armstrong emploiera. Et donc il y a là quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que Hergé perçoit à ce moment-là qu'il va faire entrer ses jeunes lecteurs, et leurs parents peut-être, dans le mythe. On n'est pas dans une aventure au premier degré, on est dans quelque chose de fondamental. C'est un album à tonalité assez sombre, c'est un album où le noir est très présent, c'est un album sur lequel pèse la menace de la mort. Va-t-on revenir ? Peut-on revenir ? Et elle est traitée sérieusement, puisque c'est une aventure où il y a des morts, y compris un suicide. Et donc, il y a une tonalité grave qui, je crois, va jouer presque un rôle thérapeutique pour Hergé et lui permettre d'aborder une nouvelle phase, au fond de s'être débarrassé de toute cette culpabilité qu'il portait par rapport à son attitude pendant la guerre. Benoît Peters, à quoi ressemble un scénario d'Hergé, de Georges Rémy ? Est-ce que, évidemment, avec l'évolution de son œuvre depuis les soviets, on peut largement imaginer que ces scénarios se soient considérablement... sophistiqué, amélioré, garde-t-il une certaine façon de travailler, certaines logiques qu'il emploie et reproduit au fur et à mesure ? Alors Hergé au départ est un pur feuilletoniste. Donc dans les années 30, la plupart des récits sont improvisés à partir d'une trame mince. Ça se voit dans un album comme Tintin en Amérique ou même dans Les Cigares du Pharaon. À partir du Lotus Bleu, il commence à construire, mais il reste une énorme place liée à l'improvisation. Dès le moment où il se lance dans des histoires de plus grande ampleur, Le Secret de la Licorne et Le Trésor de Rocam le Rouge, Les Sept Boules de Cristal et Le Temple du Soleil, qui sont vraiment déjà des chefs-d'œuvre, forcément, il sait un peu où il va. Mais il se ménage toujours énormément de portes ouvertes, et il disait quelquefois cette jolie formule, les gags naissent des accidents du crayon. Il y a chez Hergé une façon de faire confiance à l'image, une façon de penser image en même temps que penser récit, et donc de se garder à tout moment des portes ouvertes. Bon, bien sûr, si on prend Objectif Lune et On a marché sur la Lune, on peut ramener la trame à une dimension assez simple. Retrouver Tournesol, qui s'est lancé dans une aventure étrange, découvrir le projet ultra secret sur la base de la fusée lunaire, assister au projet, aux préparatifs de tous ordres, construction d'un modèle réduit, puis embarquer, arriver sur la Lune et devoir en revenir. Avec une fusée qui peut faire l'aller-retour comme celle dont rêve ou que bâtit Elon Musk aujourd'hui, en se réclamant d'ailleurs de Tintin. La société américaine SpaceX a lancé avec succès depuis Cap Canaveral en Floride sa fusée Falcon 9, dont le premier étage a déjà volé et a été recyclé. Elon Musk, fondateur et patron de SpaceX, s'en est immédiatement félicité. Cela signifie qu'on peut faire voler et revoler le premier étage d'un lanceur, qui est la partie la plus chère, et cela finira par aboutir à une énorme révolution de vol spatial, a-t-il déclaré. La différence est la suivante. C'est comme si vous aviez des avions que vous jetiez après chaque vol, ou comme si vous pouviez les utiliser plusieurs fois. Le premier étage, haut de 41 mètres, s'est séparé du reste du lanceur, avant d'entamer une descente contrôlée par ses rétrofusées, pour venir se poser en douceur, 8 minutes et 32 secondes après le lancement. Il y a des éléments dans On a marché sur la Lune qu'on a cru complètement démodés, hein, la présence, factice, scientifiquement inacceptable, comme la présence de glace sur la Lune, ou l'usage d'une fusée capable de faire l'aller-retour, et ces éléments dont on s'est parfois moqué sont aujourd'hui des éléments qui retrouvent de l'actualité. Je ne veux pas dire qu'Hergé est un prophète scientifique, mais en tout cas que son travail avait été solide et réfléchi. Bien sûr, il n'a pas à l'époque le combustible, donc il s'en tire avec une pirouette, puisque Tournesol a inventé la tournesolite qui permet de propulser la fusée. Mais ces quelques libertés mises à part, on est frappé par la grande crédibilité qu'il y a dans tout ce travail. Le sérieux, on sent qu'Hergé vit vraiment son aventure comme s'il était avec eux. Alors, le scénario chez Hergé, c'est donc ça. C'est donc d'une part une ligne assez simple, au fond, on peut raconter. Le grand ami de Tintin et du capitaine Haddock est parti en style d'avis dans une base ultra secrète pour préparer le lancement d'une fusée. Bon. Tournesol, malgré sa surdité et son grand âge, une condition physique qui n'était pas celle d'un astronaute comme on le conçoit aujourd'hui, est de l'aventure. On embarquera même des passagers clandestins en la personne des Dupont qui embarquent au dernier moment, et puis alors de vrais passagers clandestins, des mauvais qui vont s'employer à nuire. Mais à l'intérieur de ça, ce qui intéresse Hergé, c'est d'inventer page après page, de continuer à inventer pendant la réalisation, et ça c'est très différent du travail que des scénaristes professionnels ont pu lui proposer à différentes reprises. Il n'avait pas envie d'un scénario tout écrit, qu'il ne lui restait qu'à mettre en image, et il y a d'ailleurs des choses extravagantes, tout ce qui concerne les Dupont avec leurs cheveux et leur barbe, leurs moustaches qui se mettent à pousser de toutes les couleurs, leur hockey à bulles. L'usage des rayons X, avec cette phrase quand même extraordinaire, au moment où on découvre que Wolf, qui était l'assistant de Tournesol, a trahi, et l'un des Dupont qui lui lance « Et le squelette, Wolf, c'était vous ?» Évidemment, phrase complètement absurde, on peut le faire taire, mais il y a chez Hergé, même dans les récits les plus sérieux, comme Tintin au Tibet aussi, des gags incroyables. Souvenez-vous de l'histoire à l'aéroport de Katmandou, de l'élastique, le responsable de l'aéroport qui joue sans arrêt avec un élastique. Souvenez-vous des piments que va absorber Haddock et de tous les gags autour des bouteilles de whisky dérobées par l'élastique. Il y a donc une façon chez Hergé de se laisser des libertés, de partir tout d'un coup dans l'humour, comme pour raccrocher les plus jeunes lecteurs. Il y a des gags formidables dans Objectif Lune, qui est un album quand même assez sévère, assez bavard, autour du scaphandre de Milou, qui a été taillé pour un chien beaucoup plus grand et qui permet de créer dans les séquences vraiment très dialoguées des petits gags mineurs. Haddock aussi a quelques répliques formidables. À un moment, on dit « Mais les deux neutrons qui se sont échappés, que sont-ils devenus ?» explique Wolf. Et Haddock répond « Oui, je suis inquiet à leur sujet. » Voilà, donc il y a chez Hergé ce talent qu'on trouve parfois chez Hitchcock, qu'on trouve d'une autre manière chez Chaplin, dans la manière de mêler à une aventure sérieuse et crédible des gags qui viennent presque du cinéma burlesque, enfin, qui sont des gags de slapstick. Demain vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Il y a 50 ans, l'homme posait le pied sur la Lune. L'université de Berne était du voyage avec sa fameuse voile solaire. La Suisse marquera l'événement par de nombreuses manifestations et expositions.